Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas considéré celui qui tient pour mensonge la rétribution? C'est justement lui qui rudoie l'orphelin et qui n'incite point à assurer la subsistance du pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont distraits de leurs prières, salates. Ceux qui font tout par ostentation et s'abstiennent de prêter à autrui le moindre ustensile.